les mots pour maudire ce moment, le mauvais dénouement qui m'ôta mon amour pour un mot un peu haut et un autre pesant. Vous vous êtes enfui, cela en mots gréants. Ce ne sont que des mots, oui mais quand même. J'ai le mort que je mords et je pense vos absences. Je suis mort de remords, je mesure mes errances. En un mot, j'ai les mots qui me montent à la tête. Prise au mot, trop vite dit, vous n'êtes plus dans mon lit. Ce ne sont que des mots, oui mais quand même. Un bon mot n'a jamais fait disparaître, malgré tout son esprit, mes mots de tête. Seulement des mots, oui mais quand même. Il vous manque les motivations pour revenir, et je cherche les mots qui vous feraient frémir. La la la la la la la la la, sur un bel air, ça suffira peut-être bien à faire l'affaire. Il n'y aura plus de mots, oui mais quand même. Un bon mot n'a jamais fait disparaître, malgré tout son esprit, mes mots de tête. Seulement des mots, oui mais quand même. Un bon mot n'a jamais fait disparaître, malgré tout son esprit, mes mots de tête. Seulement des mots, oui mais quand même.